17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Bienvenue, il est 17h, c'est que du fun sur Fun Radio jusqu'à 20h. Je m'appelle David et pour m'accompagner, le spécialiste jeux vidéo avec Kaufman. Ça va Kaufman? Bonjour, ça va bien et toi? Très très bien, en pleine forme, le soleil est un peu revenu donc ça va. Dis, j'ai entendu dans le jingle, c'est tout l'été qu'on reste. Ouais, tout l'été. Bon, on va amener la plage et les cocotiers alors. Entre 17h et 20h. Il y a également pour m'accompagner Laurence. Ça va Laurence? Ça va super bien. On va parler de quoi pour le Fun Beauty? Le Fun Beauty, on va parler de votre barbe les garçons. Ah, intéressant ça. Moi je suis rasé ce matin en plus. Kaufman aussi, tu t'es rasé? Oui. Mecs. Ah, un petit coup de fraîcheur celui-ci. Et pas que la barbe. Dans le Fun Game, on parlera de quoi? On parlera de la barbe des hommes, évidemment. Toi aussi? Bah oui, c'est compliqué de jouer avec une barbe. Tu vas me barber, toi. Allez, il est 17h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. En juillet chez Ego, profitez de soldes jusqu'à moins 60% sur nos cuisines d'exposition. Ego, la cuisine de ma vie. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, ici aussi on va parler de barbu, hein. Le terroriste de Daesh, on en parle nettement moins que des attentats de Paris et de Bruxelles. Et pourtant, celui qui a été commis dimanche dernier à Bagdad, capitale de l'Irak, est le plus meurtrier de l'année. Et le plus meurtrier que le pays ait jamais connu, alors que ce ne sont pas les actes terroristes qui manquent. Le dernier bilan de cette tuerie est de 250 morts et près de 200 blessés. Je rappelle que cette attaque à la voiture piégée que l'on doit donc à Daesh, mais ça c'était peut-être pas la peine de le préciser, est produite dans un quartier commerçant, principalement chiite, à l'occasion de la fin du Ramadan. Visiblement donc, les autorités irakiennes ne sont pas capables d'assurer la sécurité du pays et d'empêcher les assaillants de passer les postes de contrôle. Raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a démissionné hier. Propos de terrorisme toujours, mais chez nous, en Belgique. Le procureur du roi de Bruxelles, Jean-Marc Meyer, s'exprime dans les colonnes du journal de TED pour dire que notre pays devrait disposer d'un service de police pouvant entièrement se concentrer sur ce fléau. Il se fait que les dossiers liés au terrorisme sont de plus en plus nombreux. Et du coup, les polices bruxelloises, police fédérale ainsi que les corps de police locaux doivent y passer beaucoup de temps, mais du coup, forcément, ils en ont moins à consacrer au grand banditisme, au trafic d'êtres humains, à la criminalité financière, ou alors à propos de la police locale, aux tâches de base dans les quartiers. Bref, un gros problème qu'on pourrait résoudre en créant un commissariat central consacré à tous les dossiers liés au terrorisme en Belgique, avec bien sûr un nombre d'enquêteurs suffisant. C'est-à-dire, il n'y a pas que la police qui tente de protéger le pays des méfaits de Daesh. Quelques 1800 militaires sont toujours présents dans nos rues. La question étant de savoir s'ils ont les moyens de réagir efficacement en cas de problème. Et cette question, on se la pose parce qu'en France, on a appris que 6 militaires se trouvaient devant le Bataclan ce fameux soir du 13 novembre et qu'ils n'étaient pas intervenus. Ils ne sont pas intervenus parce que leurs règles d'engagement ne le prévoyaient pas. Ça peut sembler assez incroyable compte tenu de ce qui s'est passé, mais c'est comme ça. Et donc forcément, du coup, certains se demandent si la présence de nos soldats dans la rue a un sens. Réponse du ministre de la Défense, oui. Steven Van de Put a assuré que ces militaires avaient, je cite, « tous les moyens à leur disposition pour réagir de manière adéquate à des incidents dans le cadre de leur mission ». Et voilà donc pleinement rassuré. Enfin, football, place ce soir à la première demi-finale de l'Euro 2016. Que nos diables rouges auraient dû disputer s'ils n'avaient pas décodé contre le Pays de Galles, même que je m'en remets toujours pas. Moi, ce sont donc les Gallois qui brigueront une place en finale. Mais pour ça, il faudra qu'ils viennent à bout du Portugal de Cristiano Ronaldo. C'est logiquement ce dernier qui sera favori, mais légèrement favori. Après tout, si on tient compte que des 90 minutes réglementaires hors prolongation, les Portugais n'ont pas gagné un seul de leurs 5 matchs, mais eux au moins, ils sont toujours dans la compétition. Pas comme... bref, je m'en remets pas, mais ça finira par passer. Fun. Fun Radio. Avant le Sahara Salove de Kaufman et Laurence, un point sur la météo, le soleil est de retour, c'est ouais, bon Carlo. Demain c'est l'été. Ah, magnifique, enfin. Ouais, je sais pas s'il va durer très longtemps, mais demain... C'est l'été. On va se concentrer sur demain. 23-24 degrés et du soleil. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je suis en compagnie de David et du son de 10 euros. Salut. Fun. Fun Radio. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Maintenant. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Posé et au calme sur Fun Radio. KLM, c'est que du fun entre 17h et 20h. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Le son dance floor va continuer avec Mom sur Fun Radio. Mais juste avant, on va faire le Saral Salove des chroniqueurs et on va commencer avec Laurence qui love. Ouais, je love totalement le remake en fait du clip des Spice Girls Wannabe. Ouais. Je pense que t'as le son. Bien sûr, je peux te faire écouter ça, regarde. Voilà, donc je pense que tout le monde s'en souvient, il est sorti en fait il y a 20 ans, et donc c'est un peu l'anniversaire du clip, et donc Global Goals a décidé de fêter ça, et en fait ils ont fait un remake du clip avec plein d'artistes féminines, et en fait c'est une sorte d'association un peu engagée pour les droits de l'homme et pour l'égalité des sexes, et donc voilà, ça en fait un clip super frais, et surtout super engagé, parce qu'il y a le hashtag, le slogan qui accompagne, qui dit « What I really want », et ça veut dire « Qu'est-ce que je veux vraiment ouais. ?» Et en fait ce qu'on veut, c'est la fin de la violence contre les femmes, c'est la fin du mariage forcé. Et c'est par exemple aussi l'égalité des salaires. Donc voilà, ça en fait un clip super frais et super agréable à visionner. Et même poche Victoria Beckham en fait, qui a commenté, qui a dit que c'était vraiment une super super bonne idée. Elle en est très contente et très fière. Ok, égalité homme-femme donc dans ce clip. Moi je râle. Kaufman, tu râles. Ah oui, moi je râle. Tu râles à propos de quoi? Je vais vous parler d'une vidéo qui fait le buzz actuellement. C'est un tour de magie qui a viré au drame. Je sais pas si vous avez vu. Ah, regardez, vu ça, ouais. Une présentatrice polonaise a accepté très gentiment de se plier eh bien, au jeu d'un magicien, mais laissé, ouais. Il a viré complètement au drame. Ah mince. En effet, la main de la polonaise a été transpercée par un clou. La présentatrice a même dû être transportée d'urgence à l'hôpital pour y être soignée. Rassurez-vous, elle va bien, tout va bien. Mais moi je me suis demandé un truc et c'est pour ça que je râle. Imagine qu'il ait fait le coup avec la scie là. Ah, et que c'est mal tourné. Avec la femme. Oh, là, c'est à ce moment-là, ça fait vraiment encore plus le buzz. Tu mais vois. Je ne sais pas pourquoi les magiciens quand même. Comment ils peuvent se tromper comme ça le magicien? Bah, je sais pas, mais c'est pour ça que je râle en tout cas. Moi je m'inquiète aussi pour le tétanos. Ah ouais, il était pas vacciné et que le fer était. Mais la femme, on l'a vu avec un petit bandeau au final et elle a dit oh, ça va en fait. Tout va bien, j'ai pris des nouvelles, tout va bien. Merci Kaufman de prendre des nouvelles. C'est gentil. Bah, je râle, mais je suis un mec sympa, vous savez. Allez, pour la suite, c'est le combien ça coûte et on a des jeux à vous faire gagner. Mais avant, c'est Mom sur Fun Radio. So lover, cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it with you. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. You're all you have to give. The unknown. What's left to do to feel it all?

Et tout à l'heure, on va recevoir un invité, le DJ belge Alex Germis sera notre invité. Kaufman, tu pourras poser des questions. Laurence, pareil, tu pourras lui poser des questions. Il viendra faire un mix de 19h45 à 20h, mix en direct d'Alex Germis. Bien. Ah, c'est gentil, merci à lui. On l'accueille dans quelques minutes, d'ici 19h30. Mais avant, j'ai des cadeaux pour vous. Dans le combien ça coûte, j'ai un prix en tête. À vous de me dire au 30-44 à quoi il correspond. Le prix du jour, 8 euros. À 8 quoi euros. Correspond ce prix? Allez-y au 30-44. Et Laurence et Kaufman vont poser des questions pour vous aider. Allez-y. C'est pas le prix d'une place de ciné par hasard? Non, ce n'est pas une place de ciné. Est-ce que ça a une taille particulière? Oui. C'est grand, je réponds que par oui ou par non. Ah, okay. Est-ce que c'est un objet du quotidien? Objet du quotidien, oui. Est-ce qu'on l'a tous les jours avec nous? On peut. Est-ce que ça se mange? Non. Ça ne mange pas? Non, c'est pas alimentaire. D'accord. Est-ce qu'on l'utilise plus au travail, à la maison? Plus au travail. Okay. Au travail? Ouais, plus au travail. On peut utiliser pour les deux, on va dire, travail et maison. Ah oui, tu changes d'avis, comme ça, toi. Très bien, est-ce que c'est un objet qu'on peut emporter avec soi? Oui, bien sûr. Il va dans la poche, hein. Laurence? Est-ce qu'on l'utilise dans tous les pays? Oui, on l'utilise dans la plupart des pays. Un stylo, on me dit au 30-44. Non, ce n'est pas un stylo. Est-ce que c'est électronique? Oui, c'est électronique. D'accord. Mais on le met quelque part de... Enfin, est-ce qu'il y a un endroit précis pour le mettre? Ouais, bonne question, on le met quelque part. On l'insère quelque part. Ça commence à me faire peur. Si ça... C'est pas parce que c'est ma femme que tout de suite. Non, une question Kaufman. Oui, très bien. Est-ce que c'est un produit de divertissement? Oh non, pas vraiment. Pas vraiment. Je peux pas dire que c'est du divertissement, non. À ta tête, je dirais plus que c'est utilitaire. Ouais, vraiment, ça aide beaucoup dans la vie. Hein. D'accord. Maintenant, depuis 10-15 ans, tout le monde en a une. D'accord. Ça a une couleur particulière ou un... Ça peut avoir une couleur particulière, une forme particulière. Ok. Est-ce que c'est un produit informatique? Informatique, oui. Oui, c'est un produit informatique. On avance. On fait un grand pas au 30-44, le numéro qui termine par 46 à la bonne réponse, le numéro qui termine par 11 à la bonne réponse aussi. On me dit une calculatrice. Non, ce n'est pas une calculatrice. Allez-y au 30-44, je prends un gagnant juste après Enrique Iglesias avec Duele El Corazon. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est que du fun. Fun Radio présente la Lotto City Parade 2016. Le plus grand événement 100% gratuit du Benelux. Rendez-vous le samedi 10 septembre sur le plateau du Ezel à partir de 14h. Opening Festival, Parade, Closing Festival, deux podiums, une vingtaine de chars et plus de 100 DJ. La Lotto City Parade, samedi 10 septembre sur le plateau du Ezel avec Fun Radio et Plug RTL. Plus d'infos, cityparade.be. Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, tout est meilleur. Même quand les comédiens font semblant de manger. C'est bon. C'est quoi? Oui, les comédiens ne peuvent pas manger en studio, hein. On comprendrait pas ce qu'ils disent. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Venez vite chez Pearl Opticien pour nos soldes fondantes. Jusqu'à 70% sur toutes les lunettes, même les grandes marques. Conditions en magasin. C'est officiel, le Volkswagen Transporter est élu en 2016 meilleur utilitaire de l'année. Et pour la troisième fois déjà. C'est pas moi qui le dis, mais les journalistes de 24 pays en Europe. Mais après tout, le jury au quotidien, c'est vous, les indépendants. C'est à vous de le juger sur le terrain. Alors voilà, vous avez un transporteur start-up avec radio, airco, vitrée rétro-électrique, mais aussi un moteur à la norme Euro 6 à partir de 19 490 euros hors TVA. Venez l'essayer chez votre concessionnaire Volkswagen Utilitaire. Profitez du coucher de soleil. Ah, le soleil. Ou d'un beau lever de soleil. Oh, le soleil. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Fun Radio. When you say you love me, tell me don't leave it, nah, nah, nah. Now I got that feeling you without me won't break my heart. Cause the sunlight's in my eyes when you're out of sight. You could have seen me shine. Tell you one more time.

Era et Strefi avec Bonne Bonne arrive sur Fun Radio. Et on était dans le jeu du combien ça coûte. J'avais un prix, c'était 8 euros. À quoi correspond ce prix? Et avec nous, j'ai Laurence qui est là. Salut Laurence. Salut tout le monde. Ça va bien Laurence? Salut Laurence. Ça va, ça va. Salut Laurence. Tu fais quoi de beau? Dis-moi Laurence. Là, je viens de finir de donner stage. Je remonte pour aller manger. Tu remontes manger, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Journée. Voilà, fin de journée pour toi, c'est tranquille. Et elle peut en ramener un peu ici, moi j'ai faim. Enfin, j'ai toujours faim en même temps. Ouais, c'est vrai. Et tu as envoyé une réponse au 3044 concernant le prix 8 euros. Alors 8 euros, ça correspond à quoi, Laurence? Pour moi, ce serait une clé USB. Pour toi, c'est une clé USB? Et c'est une bonne réponse, bravo! Bravo! Ouais, super! Bravo, tu remportes un pack fun, Laurence. C'est cadeau, c'est pour nous. Un grand merci à vous. Mais de rien, passe une belle soirée et bon appétit, Laurence. Hein. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Courage et bonnes vacances. Merci, c'est gentil. Salut. Bisous, bisous. T'inquiète pas, c'est que du fun, Laurence. Bisous, bisous. Allez, pour la suite du son, c'est Ira Estriffé avec Bonne Bonne. On a également le Fien Bouti de Laurence. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Coucou, c'est moi, Hip. Vous voulez profiter de votre terrasse pour un prix vraiment vert? Recevez maintenant, bam, 50% de réduction sur tous les meubles de jardin de votre hypermarché Carrefour. Action valable jusqu'à épuisement du stock. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Bon, t'as pas oublié les maillots? Non. Les valises, elles sont dans la voiture? La voiture? Et quelle voiture? Restons zen. Jusqu'au 31 juillet, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. C'est que du fun. 17h-20h sur Fun Radio. No sé yo te dovete. Se non vuoi partire io, dove tu ne feo. Se non zani anche io. Se ne van, se ne van, se ne van, se ne van, van, van, van. E da noi si sbans, van, dan, dan. Bet you wanna taste it, van, van. Bet you wanna taste it. King of the ciebie się sam, teraz i tak iż w drugu cię mam, który prisze, prisz. Ja mam ci, ja mam ani se kurw to w niej her, ja mam no kędzej. Galantis debak, so fan radio. C'est que du fun entre 17h et 20h et c'est l'heure de s'intéresser de la chronique beauté de Laurence, le film Beauty. On va parler de quoi, Laurence? Alors aujourd'hui on va parler des barbes des garçons. La barbe des garçons, très bien. Parce qu'en fait nous les filles on se préoccupe beaucoup de nos cheveux, on prend soin et tout. Et vous, votre préoccupation principale c'est bien votre barbe. Donc soit vous la rasez de super près pour être tranquille, soit vous la laissez pousser. Mais moi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la barbe de 3 jours parce que ça reste quand même le style de barbe le plus sexy. Et donc pour cet été c'est vraiment le top. Et donc j'ai décidé de parler de la gamme L'Oréal Men Expert Hydra Energic X, qui, parce que L'Oréal en fait a décidé de s'intéresser de très près à la barbe de 3 jours. Et donc il y a 3 petites étapes à suivre pour avoir vraiment une barbe au top. Donc la première c'est simplement de prendre le gel nettoyant pour la peau. Parce qu'en fait c'est un gel nettoyant et exfoliant. Donc ça va vraiment bien nettoyer la peau et la laisser parfaitement nette pour le rasage. Et donc vraiment elle sera vraiment nickel. Ensuite il suffit simplement de prendre le gel de rasage de L'Oréal. En fait c'est un gel assez innovant parce qu'il est transparent. Et donc ça permet de voir vraiment où on en est par rapport au rasage. C'est très bien ça. C'est vraiment nickel. Parce que la mousse, quand t'as plein de mousse, j'y arrive pas moi avec la mousse. Exactement. Moi perso je prends la râpe à fromage. C'est exactement ça. Et en plus de ça elle permet d'éviter les irritations, les mini coupures et les boutons de rasage. Donc elle est vraiment au top. Et pour finir suffit simplement de mettre le soin antifatigue de la gamme qui permet d'adoucir la barbe, de combattre les démangeaisons et d'hydrater pour toute la journée. Ah bah c'est magnifique ça, la gamme L'Oréal, donc 3 étapes pour avoir une barbe de 3 jours parfaite. Exactement. C'est parfait. Kaufman, est-ce que t'es chaud? T'es prêt? La barbe est rasée? Oui, bien sûr, de près même. C'est parfait, parce que c'est pour le fun game, tu vois, je dois être au taquet, c'est bon, t'es bien habillé, t'es parfait, t'es prêt pour le fun game? Oui, généralement je ne viens pas nu à la radio. C'est vrai, ça sera juste après Galantis. Sorry, I ain't got no money. Que du fun tout l'été entre 17h et 20h, le son dance floor avec The Chainsmokers.

C'est que du fun sur Fun Radio. Avant 18h, Axeline Grosso sur Fun Radio. C'est que du fun de 17h à 20h et pendant tout l'été, parce que le reste de l'année c'est l'Happy Hour avec Audrey. Kaufman, t'en es un fan. Laurence aussi, elle écoute tout le temps l'Happy Hour avec Audrey, Fab et Sandro. Et là on va s'écouter un petit moment où Audrey, elle s'est fait surprendre. Surprendre par quoi, à ton avis, Kaufman? Par Fab. Non. Laurence? J'allais dire pareil, un chroniqueur, mais... Et non, réponse maintenant. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Pour ceux qui sont pas en studio, ça fait deux minutes qu'Audrey est occupée à faire la belle sur le morceau qui vient de passer. Et là, juste, elle a voulu prendre son micro et elle vient de se vautrer. Mais... Alors, le cachalot, ça va? Ma grand-mère, elle tombait avec plus de classe que toi. Elle avait fait l'émission par terre maintenant. Oh, je viens de me vautrer le coccyx. Oh hein? Là là, ça fait mal. Oh la vache. Attendez. Ça me ferait rire que tu doives porter des pampers. Laisse-moi tranquille. Oh là là, mais c'est parce que je trouvais que c'était tellement bien comme les autres. C'est pas drôle, hein. Elle a quand même dit en rantaine, ouais, ça c'est une musique de défilé et tout. Et elle nous a fait un boum boum boum. Et si tu défiles comme ça, Miss, ça va pas aller. Oh, j'ai... Et sérieux, je me suis dégommé l'arrière-train, quoi. Non, mais. That's what she said. Je sens mon cœur battre dans les fesses. Ouais, elle dit ça souvent. Non, ça va pas. Ah ouais, quand t'es pas préparé, ça fait mal, hein. Attends, j'ai des bouffées de chaleur. Ah oui, tu m'étonnes. C'est normal, c'est le contre-coup. Ça va faire un peu chaud encore, hein, et après ça va aller. Vous êtes vraiment des enfoirés parce qu'il n'y en a aucun qui. Ah, oh, et s'est endormi. J'en prie ah la fesse. Ah ouais, ça va se réveiller après. T'inquiète ouais, pas. C'est sûr. Personne viendrait me ramasser, tu sais, franchement. Mais ben attends, mais comment t'es déjà, t'es tombé trop vite. Mais. La fucking gravité. C'est parce que. C'était bien comme musique. On remet une deuxième fois. Non, c'est bon, je bouge plus de ma chaise. Et pensez pour non, le mais... sol quand même. Là, je viens de le. Il là, a... Ah, c'est un bien qui a morflé. C'est lui. KO, j'ai gagné le combat. Non, mais c'est parce que vous avez jamais vu nos chaises en studio. Elles sont niquées, hein. Elles sont cassées de chez cassées, hein. C'est d'air. On me dit, puis-je prendre ton cœur du derrière? Les gars, je sais que vous essayez d'être romantique, mais là, quand même, laissez bien mon cœur du derrière tranquille. Il a assez pris pour aujourd'hui. Faut pas déconner non plus. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Retour de l'Happy Hour à la rentrée avec Audrey et toute son équipe. Elle s'est fait surprendre par la chaise. C'était ça la bonne réponse, Kaufman. Ah, j'avais même pas compris en fait. Elle est tombée de sa chaise, Audrey. Allez, pour la suite du son Dance Floor avec Céline Grosso, Thinking About You sur Fun Radio. C'est que du fun. Notre invité, Alex Germis, viendra d'ici 20h nous mixer en live son titre, son nouveau titre. C'est bon ça! Getting thin, why I'm always late. Think about tonight, what I'm gonna do. But I just can't concentrate, cause I'm thinking about you. Think about money, think what I owe. Spent it on a car with a cool, cool stereo. And I'm sitting in traffic, wishing it would move. Should be thinking about a job, but I'm thinking about you. A kid again, total out of bliss. Total lots of bliss. Think about my holidays. Think golden rays. Think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met. Swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors. Think about sex. Think about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss. Feeling like a kid again, total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Thinking about you. Thinking about you. like a kid again. Total utter bliss. Drake débarque sur Fun Radio One Dance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. Drake qui s'est remis en couple avec Rihanna, on l'a appris hier avec Laurent Sissi. Exactement. Ouais, ouais. Avec Rihanna, il s'est remis en couple. Ça casse, ça revient, ça casse, ça revient. Et on l'a dit hier. Hein? On l'a dit hier. T'étais là, non? Alzheimer. Ça commence à ton âge, faut faire attention quand même. Ouais, Drake s'est remis avec Rihanna, truc de ouf. Je trouve, moi, en tout cas. Non, c'est un truc de fou, moi j'adore. Bah ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Pour la suite de l'émission, on aura encore des cadeaux à vous faire gagner grâce à Smart Toys et au Fun Game. On aura quoi? On aura un jeu vidéo PlayStation 4 ou Xbox One à vous filer avant 20h. Soyez bien attentifs, hein. Ouais. Niveau cadeau, on a également des places pour Aventure Park, le parc d'attractions, on peut dire, à Crobranche. J'adore. Vous allez vous amuser dans les arbres, c'est vraiment très très fort. J'adore. Ça arrive d'ici une petite demi-heure. On a également le Saral Salove. Qui va râler? C'est Laurence. Moi, qui va râler. Ouais. J'ai hâte, tu vas râler. Et Kaufman, tu vas lover. Moi, je vais jouer au lover. Ouais. Et j'ai vu ton info, Kaufman, avant l'émission. Mmh. Je me suis permis d'aller voir ta boîte mail. Et j'ai vu que c'était quand même assez sexy, hein. C'est sexy. Ouais, on voit que t'es en manque quand même, Kaufman, ça qui me fait peur. Mais t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Mais par contre, j'ai un bon tuyau pour tous les gens qui aiment, eh bien, les jolies filles. Avant, dans le Saral Salove, je vais leur donner une très très chouette indication. Parfait, on aura également le Cetro Cetopito. Aujourd'hui, c'est le top 5 des avantages à être petite pour vous, mesdemoiselles. Aucun avantage. Et pourtant, il y en a 5, j'ai 5 avantages pour vous. Et vraiment des gros avantages, quoi. Bah, c'est plus facile pour les limbo, c'est tout. Kaufman, toi, tu préfères les filles grandes ou petites? Moi, grande. Grande? Ouais. Ok. Laurence, tu préfères les filles grandes ou petites? Bah, moi, je suis petite, donc les petites. Elle préfère quand même les filles, c'est vrai que ça ne pas pour avec ses cheveux, elle est quand même assez grande. Hein. C'est vrai. Tu mesures combien, toi, Kaufman? 1m. Quasi 80. 80, ok. Et toi? 1m66. 66, et toi, c'est tout petit. Et toi? Et moi, 1m80. Mais bon. Les bras levés, alors. C'est exactement ça. Il y aura également la radio perd le contrôle. On va axer plus aujourd'hui sur les jingles dans la tête. Ça arrive à tout le monde d'être pris à un jingle en pleine figure. On aura également le jeu du blackjack, les infos. On repassera aussi des moments de la power. Et on aura notre invité qui sera avec nous, le VT, le DJ belge Alex Jeremy sera notre invité. Il viendra mixer en direct à partir de 19h30. Restez bien branchés. Pour ceux qui ne connaissent pas Alex Jeremy, eh bien c'est ça. C'est aussi ça. Il sera avec nous dans quelques minutes, Alex Jeremis, mais là, il est l'heure de passer aux infos avec Carlo. Ça va, Carlo? Super. En pleine forme? Tout à fait. Prends un peu tes nouvelles chaque jour pour savoir un peu ta vie, tout ça. Ça va, tranquille? Ouais, ça va, ouais. Enfin bon, c'est pas... Non. En fait, ça va pas du tout. Faut mieux passer aux infos, alors, ouais. Carlo. Ouais. Fun Radio. Fun. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. 17h59, les infos avec Carlo. Salut Carlo. Hello David, salut à tous. Hillary Clinton est probablement très soulagée. Alors je vous parle, elle vient d'éviter des poursuites dans l'affaire de ses emails. Poursuites qui auraient pu porter un coup fatal à ses ambitions présidentielles. Mais finalement, elle n'a eu droit qu'à une petite engueulade de la part du FBI. Une fois qu'elle sera à la tête de l'État, ce sera plus difficile de la réprimander. Alors petit rappel du dossier, on reproche à Mme Clinton d'avoir utilisé un serveur privé pour envoyer ses mails alors qu'elle était en charge de la diplomatie US. Des mails qui auraient donc pu être facilement piratés. L'ex-première dame a alors prétendu que ces emails n'avaient rien de confidentiel, mais elle a menti. Pas moins de 110 messages contenaient des infos classées, confidentielles. Un mensonge qui aurait donc pu lui coûter cher, mais elle s'en sort donc bien, et d'autant mieux que son adversaire républicain Donald Trump est perçu de façon encore plus négative. Chez nous, entre 7 et 8 000 personnes se sont réunies hier soir dans le centre de Bruxelles, non pas pour manifester, question de grogne sociale, on fait relâche en juillet-août. Si ces gens ont manifesté, c'est plutôt leur joie d'assister à l'Hommegang, spectacle folklorique organisé depuis des siècles dans la capitale. Il s'agit en fait d'une reconstitution de l'accueil à Bruxelles en 1549 du fils de l'empereur Charles Quint, qui régnera plus tard sous le nom de Philippe II. Et quelque part, on peut se demander pourquoi on perpétue ce souvenir alors que le Philippe II en question a été un des pires souverains que notre pays ait connu, un cruel et sanguinaire, comme le fut d'ailleurs son gouverneur dans la province, le duc d'Albe. Mais bon, si vous avez loupé les festivités d'hier, sachez qu'une seconde représentation aura lieu demain soir. Dans la catégorie des faits divers, Oscar Pistorius, le champion paralympique sud-africain, a finalement été condamné aujourd'hui à 6 ans de prison pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp en 2013. Il a été reconnu coupable du meurtre de la jeune femme par la cour d'appel de Pretoria qui a cassé le précédent verdict d'homicide volontaire. 6 ans de tôle, on peut dire que Pistorius s'en sort très bien alors que l'accusation avait requis 15 ans. Faut croire qu'il a eu raison de s'exhiber devant ses juges sur ses moignons histoire de les apitoyer. Visiblement, ça a marché. Enfin, en sport, j'ai évoqué à 17h la première demi-finale de l'Euro 2016, ce soir entre le Portugal et le Pays de Galles. Et puis en tennis, là, on en est au stade des quarts de finale chez les hommes, avec notamment pour le moment la rencontre entre Andy Murray et le Français Tsonga. Et puis, sachez que Roger Federer, le septuple vainqueur du tournoi, a éliminé le Croate Cilic, mais il a eu très chaud, hein, puisqu'il a dû remonter un handicap de 2-7. C'est quand même un exploit, hein, parce que le gaillard va quand même fêter ses 35 ans le mois prochain. Enfin, chez les dames, signalons que les deux sœurs Williams participeront en demi-finale, y compris Vénus, donc 36 ans, elle, et de très jolis restes, hein, visiblement. Les deux frangines pourraient s'affronter en finale. Visiblement, les vieux font de la résistance, hein, d'autant que Serena Williams a quand même le même âge que Federer. Fun Radio. Avant le Sarah le Salope, place à la météo, le soleil de retour, Carlo. Oui, le soleil de retour, il a l'intention de nous tenir compagnie pendant un petit temps. En tout cas, demain, il sera là toute la journée, avec un mercure qui va monter jusqu'à 23-24 degrés. Parfait, très bien. Pas mal du tout. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse en compagnie de David. Salut. Merci, avec Drake et Wendance. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Posé et au calme sur Fun Radio. KLM, c'est que du fun entre 17h et 20h. Baby. Like it so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Wet, 'cause if you're down. Hennessy in my hand. One more time for I go. Higher powers taking hold on. Allez, place au son collector et Benny Benassi. Satisfaction. Et maintenant, c'est l'heure du Saral Salove et on va commencer par le love. C'est Kaufman. Oui, j'aime bien faire du journalisme d'investigation et c'est ce que je vais faire. Ça me fait peur. Je vais vous annoncer quelque chose. Clara Morgan est plus sexy que jamais. Ah, c'est vrai. Et oui, comme chaque année, Clara Morgan, bah, elle s'apprête à proposer à ses fans un calendrier sexy, on va dire okay. ça comme ça, ouais. dont elle seule a le secret. Et si la sortie est prévue en septembre, l'ancienne actrice X prend la pause régulièrement face à l'objectif de son mari de photographe afin de trouver les meilleurs clichés. Et là où ça devient très intéressant, ah, dis-moi. C'est qu'elle poste sur Instagram les photos okay. qui pourront être sur son calendrier et les laisse à l'appréciation des gens qui vont sur Instagram. Moi, dans un souci professionnel de journalisme, bien de sûr. Journalisme, bien sûr, Kaufman. Je me suis penché sur son compte Instagram. Ah, ouf. Et je suis donc en mesure de vous le communiquer si vous souhaitez évidemment aller voir, hein, toute objectivité. C'est Clara Mo. Officiel. Ok. Donc c'est Claram officiel si vous ouais. préférez. Vous allez sur Instagram, vous participez au grand vote qu'il y a sur ces photos un peu sexy. Et puis comme ça, vous les voyez avant tout le monde et avant que son calendrier ne sorte dans les prochaines semaines. Bah très bien, vos votes alors, allez-y. Et Laurence va râler. Ouais, je vais râler sur la nouvelle info sur Kinder. Parce que voilà, Kinder c'est un sur nouveau. Sur Kinder. Ouais, Kinder, la marque de chocolat trop bonne. Ouais, ouais, je connais. Ouais. Et en fait, c'est un nouveau coup dur pour eux parce que voilà, déjà on a retiré les Kinder Surprise du marché chilien pour l'obésité infantile. Okay. Okay. Mais maintenant, c'est autre chose qui leur est arrivé, c'est que maintenant, on les accuse en fait de mettre trop d'hydrocarbures, d'huile minérale. Donc en fait, je me suis un c'est peu renseignée. C'est de l'essence. Et, c'est utilisé notamment dans les transformateurs électriques, c'est pour refroidir aussi les ordis, c'est utilisé en cosmétique et aussi dans nos aliments. Non. Et donc voilà, ouais, apparemment, il y en aurait trop dans les Kinder. Oh. Et donc, oh non, j'en mange plus. Apparemment, c'est cancérigène carrément. Donc moi, okay. ça m'a fait râler. Et tout ce qui est une fois de plus bon pour nous, ben c'est pas si bon pour la santé que ça, donc je râle. C'est pas grave, on ira tous sur Tinder. Ouais, une lettre première. Hein. Allez, Benny Benassi sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 20h. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Push me. can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons will be if they need a problem. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckin' day. Baby drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. After the club, I'll smash it. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a girl is, I'm in Santa forever. Arrive sur Fun Radio avec Feel Alone. Mais c'est le moment de jouer pour gagner vos places pour Aventure Park Kaufman. Oui. J'ai un générique. D'accord. Il va falloir trouver le générique et envoyer Aventure plus le générique au 6322. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Attention, le générique est difficile aujourd'hui. Hier c'était facile, aujourd'hui c'est difficile. D'accord. Écoutez bien hein, chez vous. Hop là. Tu connais Kaufman ou pas? Écoute, comme ça, ça me dit rien. Bon, c'est vrai. On diffuse pas beaucoup. Hein. Ça te dit rien comme ça. C'est un ça. Dessin animé? Ouais, c'est un dessin animé. Alors, je pense peut-être avoir trouvé. Si vous avez un avis, ou si vous pensez trouver la bonne réponse, qu'est-ce que tu me montres, Kaufman? Mon pouce. Ton pouce? Bah, je pensais que c'était les mini-pouces, moi. Ah non, c'est pas du tout les mini-pouces, non. Ce n'est pas ça. Allez-y, envoyez la bonne réponse, Aventure plus le nom du générique, au 6322. Tu veux un peu plus long ou pas, Kaufman? Un tout petit peu, quand okay, même. Ok, attends, alors je vais te mettre un petit peu plus long. T'es que pas payé à la seconde, à ce que je sache. Non, je suis pas payé à la seconde, t'inquiète pas. Allez, c'est parti, je te mets plus long. C'est gagné. Ah oui, là j'ai trouvé. Ah oui. T'as trouvé là hein. Bien sûr. T'es sûr t'as trouvé? Oui. Oui oui, c'est. Tu veux que je t'en dise plus? Non ouais, vas-y. Ah, oui. Vas-y. C'est une exploratrice. Ah pas mal. Pas mal Kaufman. Allez-y, envoyez votre bonne réponse Aventure plus le nom de la demoiselle qu'on cherche au 6322. Je prends un gagnant juste après ça.

Rizza, je m'en fous, c'est le son dance floor. Ça arrive dans quelques minutes, mais avant j'avais lancé un jeu pour gagner vos places pour Aventure Park. Il suffit de reconnaître le générique, je vous repasse le générique, c'est celui-ci. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, yeah. Et Géraldine a la bonne réponse avec nous, salut Géraldine. Bonjour Fun Radio, bonjour, comment allez-vous? Ça va? Salut. Salut Géraldine. Salut. Comment ça va Géraldine? Ça va très bien, il y a du soleil, alors on est de bonne humeur, tout va bien. C'est vrai, ouais. Oui. C'est bien ça, ouais. Du côté de Charleroi, il y a du soleil aussi? Oh oui, aujourd'hui ça va, okay, on n'a pas trop à se plaindre. Non, c'est pas possible à Charleroi, il fait gris à Charleroi. Si, de temps en temps, on en a un petit peu, hein, pas beaucoup, mais bon. Ah, heureusement. Tu me rassures, pas beaucoup. Ouais. On prend ce qu'il y a. C'était quoi la bonne réponse, Géraldine, à la question? Dora l'exploratrice. Eh bien, Géraldine, je dois te dire que c'est une bonne réponse, bravo bien, Géraldine. Oui, ouais, super, génial. Bravo, tu rempars avec deux places pour aller à Aventure Park. Tu vas pouvoir faire de l'acrobranche et bien t'amuser. C'est super, merci beaucoup. Tu vas y aller avec qui? Avec moi. Pourquoi pas? Ah, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Kaufman t'intéresse? Qui sait? Ah, peut-être. Ah, t'aimes les chauves, dis donc. Intéressant ça. Je vais te passer... gêné. Pas du tout, je suis en train d'écrire mon numéro pour transmettre. Je vais te passer le numéro de Kaufman hors antenne, Géraldine, ça va? D'accord, ça va. Elle a tout gagné, Géraldine. Merci beaucoup, Géraldine, et amuse-toi bien surtout. Hein. Merci, à bientôt. À bientôt, bonne soirée, bisous. Dans quelques instants, il y aura la radio Perle Contrôle, mais avant, j'ai le topito du jour, le top 5 des avantages à être petite. Eh oui, mesdemoiselles. Si vous êtes petite, ce n'est pas grave. En top 5, la cinquième position, c'est que les gens ont envie de vous faire un câlin quand on est petit. Oui, et en plus c'est pas grave parce que vous pouvez toujours aller à Fort Boyard. C'était mon quatrième. Bon, on passe au troisième. Hein. Le troisième, c'est vous pouvez faire votre shopping au rayon enfant. Et ouais, je connais quelqu'un qui fait le shopping au rayon enfant. Qui c'est? Bon, moi aussi. Lara Belle-Rose. Ouais. Non, si Lara Belle-Rose, la chanteuse et aussi animatrice dans la Libre Antenne, fait son shopping au rayon enfant. Ouais, mais que pour les chaussures. Ouais, que pour les chaussures. Taille 34, elle les a à moitié prix en fait, les chaussures. Ah, d'accord. C'est une bonne technique ça. En deuxième position, vous pouvez allonger vos jambes dans l'avion ou à l'arrière d'une voiture. C'est toujours pratique. Moi, j'y arrive jamais en mesurant 1m80, c'était compliqué quand même. Non, mais arrête de ton mytho, tu mesures 1m70. Faut pas le dire, c'est un secret. Et en première position, c'est que vous avez plus de succès avec les hommes. Une étude anglaise sur un échantillon de 10 000 femmes a en effet prouvé que celles qui mesuraient entre 1m51 et 1m58 étaient plus souvent mariées et mères de famille. Oui, comme quoi. En même temps, l'étude a été faite auprès de nains. C'est ça. Allez, big up à Joséphine Ange Gardien toujours. La suite du son, c'est avec Rizza, je m'en fous. C'est que Kaufman me dit quand il prépare l'émission. Ouais, David, je m'en fous. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est les regards qu'on me lance. Désormais, je m'en fous. J'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi, je m'en fous. Et au fait, non, je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement, je m'en fous. Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond, je m'en fous, rien vacances, c'est Fun Radio. But we're not supposed to be. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I get high and away from the shame. L'été avec Face et Afrojack. Et maintenant, avant le fun game, place à la radio par le contrôle. Oui. On écoute les autres radios, on repère les erreurs et on vous les diffuse. Et oui, la radio perd le contrôle sur Fun Radio. Et pour la radio Pierre Contrôle, je me suis intéressé au jingle et beaucoup d'animateurs l'ont pris dans la tête cette année. Et on commence avec Vivacité. L'animateur a eu du mal à remercier Madame Météo. Mercredi, nous aurons un temps plus variable avec un ciel partagé encore en traverses éclaircies, avec un air plus frais et donc on pourrait peut-être voir quelques flocons arriver. Eh ben, on suivra ça. Merci Catherine. Le jingle est parti en pleine tête. Hein. Merci Evelyne, désolé. C'est parti. Sur Contact, l'animateur, lui, s'est planté le jingle, mais après, il va limite s'excuser. Meilleur hit de cette semaine. Numéro 10. Oh oui, voilà, je me suis un petit peu trompé de jingle. Ce n'est pas grave. Oui, excusez-moi, je suis planté. Faut s'avouer, à moitié pardonné. Hein, oui, on lui pardonne, t'inquiète pas. Et pour finir, Vivacité, le jingle va manger l'animateur. Du coup, on connaît pas la fin de sa phrase et c'est dommage, quoi. Plus d'efforts qu'on ne fait d'habitude dans les marches d'escalier chez nous à la Tour Reyes. On se retrouve. C'est violent, hein. Ah, très violent celui-ci. Hop, hop, je vous le ferai écouter encore. Qu'on ne fait d'habitude dans les marches d'escalier chez nous à la Tour Reyes. On se C'est net, hein. Très violent celui-ci. Allez, Kaufman, est-ce qu'on est prêt pour le fun game? Toujours. On a encore des infos jeux vidéo. Coûte toujours. Ok, c'est parti. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Go Kaufman. Alors, c'est pas tout à fait une info jeu vidéo, mais plutôt une info ciné-geek. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fan de Star Wars autour de la table? Pas du tout. Ah, pas du tout. Je vais tomber. Bien fait de venir encore en ce mercredi. Et bah oui, moi la bonne nouvelle, c'est que le tournage du 8ème épisode de la saga est vraisemblablement sur le point... Eh bien, de se clôturer. D'accord. Et c'est déjà une bonne chose. Pourquoi ? Parce que le 22 juillet prochain, vraisemblablement, le tournage va s'arrêter. On vous rappelle que le film arrivera le 15 décembre 2007. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de toutes ces dates ? Parce qu'au plus tôt, le film s'arrête de tourner, donc le tournage est terminé. Au plus tôt, la bande-annonce va arriver. Ah, enfin ! Et donc, les fans vont pouvoir se précipiter pour regarder un petit peu ce que nous réserve ce prochain épisode. On connaît déjà le casting. Hein. C'est le casting initial avec en plus Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver. Mais aussi, et c'est plus surprenant, Benicio Del Toro ou encore Laura Dern. Ok, sympa. Donc ça, c'est les nouveautés, les grandes nouveautés du nouveau Star Wars. Oui, en tout cas, le tournage va s'arrêter et la bande-annonce va arriver. Je le sens, là. Comment on fait un tournage de Star Wars ? Ça m'a toujours intéressé, c'est du fond vert. Ah, il y a beaucoup de fond vert, mais il y a aussi des décors naturels. Hein. Ah, il y a vraiment des décors naturels. Ah oui, quand c'est fort montagneux, rocheux, etc. Bah oui, effectivement, on prend ce qu'on a sous la main. Très bien, merci Kaufman pour cette info Star Wars. Il vous en prie. Tant mieux. Pour la suite, ça sera à Face et à Flojack. On a également le jeu du Blackjack. Si vous voulez vous inscrire pour gagner vos jeux vidéo, vos packs fun, c'est très simple. Vous m'envoyez maintenant jeu au 3044 et je vous prends à l'antenne pour jouer avec moi tout au long de la semaine le jeu du Blackjack pour repartir avec vos jeux vidéo. Mais maintenant, c'est Face et à Flojack sur Fun Radio. Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick ? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce Giant. Ah, Giant comme le burger ? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. On peut prendre les deux ? Gourmande. Quick, le goût d'en faire plus. Quick ! Fun Radio. Fun Radio. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras. entre 17h et 20h. Profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. Your face telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you won't? I know when you're gone. You're just looking for a little sign of love. I said, would you come with me? I say, hey, hey, hey, hey, hey. Would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I say, elle se fait courir par Justin Bieber, et oui. Justin Bieber la veut. Ariana Grande. Ça va débarquer sur Fun Radio, mais avant, je tiens à vous dire que notre invité est arrivé, Kaufman, Laurence. Il est là, il est dans les studios. On est prêt, il est juste à côté, il est en train de prendre son petit café, en train de se détendre. On va recevoir aujourd'hui le DJ belge Alex Germis. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alex Germis, c'est ça. Mais c'est aussi ça. Quel bonheur de le recevoir, il sera avec nous jusqu'à 20h et il nous fera un mix en live. Oui Kaufman, dis-moi. Non mais il y a une chose qui m'interpelle dans tout ce que tu as dit. Bah, t'as vu une machine à café ou ça à Fun Radio? Si, en bas, il y a une cafetière. Ah oui, c'est ça ta machine à café, oui d'accord. Mais faut moudre toi-même le café, en fait, ça le truc de souci à Fun d'accord. Radio. Il fera donc un mix d'une quinzaine de minutes en direct live sur Fun Radio, ce sera pour vous d'ici 20h. Mais avant la P.O.R., vous le savez, nous on les remplace tout l'été, du lundi au vendredi de 17h à 20h. Ils sont de retour à la rentrée et là, ils ont un jeu, ça s'appelle le Tic Tac Boom. Est-ce que tu connais le principe, Kaufman ou Laurence, du Tic Tac Boom? Ouais, moi je connais, j'ai écouté et c'est super sympa. C'est quoi le principe? Bah, le principe, c'est qu'en fait, on doit se faire deviner un mot ou quelque chose au coéquipier, tout simplement, en fait. D'accord, ok. Sinon, on prend plein la gueule. On va voir si elle en a pris plein la gueule, justement. Et c'est parti. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. On a Jonathan qui est là, qui vient de Tubize. Salut, Jonathan. Jonathan. On attend. C'est Jonathan, hein, ça se prononce. Ah, excusez-nous. Excuse-moi, quoi. Il fallait le dire, l'américain. C'est Jonathan. Jonathan. C'est quoi ce truc encore de référence? C'était L'amour du risque. L'amour du risque, oui. Dans les années combien? Oh, c'était 80. Ouais. Voilà. Merci, Fab, pour toutes ces références. C'est vraiment génial. Bon, Jonathan, tu vas devoir faire équipe avec quelqu'un de l'équipe. Soit Sandro, soit Fab pour jouer au tic-tac-boom. Tu veux faire équipe avec qui? Prends Fab. Avec Sandro. Avec Sandro. Parfait. Pourquoi je me tape toujours les mecs? C'est quoi ce bordel? Ah bon? Je comprends pas. Merci Jonathan. Jonathan. Oh yeah. Jonathan. I'm sorry, Jonathan. Bon, de l'autre côté, on a Laura qui vient de. Ah bah c'est bien ça, Laura. Ouais. Salut Laura. Salut. Ça va Salut, bien André. Salut à tous. Oui, ça va super, et vous? Bah super, écoute, ça se passe. T'étais à l'écoute de l'émission, ma Laura? Bah non, là je suis au boulot donc. Bah bravo, c'est du beau ça. Bon, Laura, du coup, je vois que ça bosse dur, hein. On a le temps d'aller jouer un petit jeu sur Fun Radio, c'est ça. Et c'est ouais, bien, bah tu, ouais, c'est tu fais quoi comme métier, Laura? Je travaille dans une pizzeria en tant qu'étudiant. Eh ben, du tout. Bah, excuse-moi, Laura, mais si tu travailles dans une pizzeria, tu peux mettre la radio, hein. Ouais. Dis, ça va toi les gris? Non, mais son patron il croit qu'elle bosse au fait. C'est ça. Au téléphone. C'est ça qui est beau. Bon, Laura, tu fais équipe avec du coup Fab, voilà. Donc Jonathan, mais je vais pas y arriver, je vais dire Jonathan tout le temps. Jonathan, tu es avec Sandro. Laura, on est d'accord que tu es avec Fab. Vous allez avoir une liste de mots chacun, les garçons, d'accord? Vous allez devoir essayer de faire deviner vos mots à vos auditeurs respectifs, d'accord? T'inquiète, celui qui arrivera à faire deviner un maximum de mots repartira avec son cadeau Fun Radio. Et je dis ça, je dis rien, mais pour le moment c'est Fab qui est en tête de ce fameux jeu, mais qui n'a de toute façon qu'un point puisqu'on y a joué qu'une fois. Voilà. question parce que dans la liste de mots que tu as donné, il y a deux colonnes. Ouais. On peut choisir où on veut, en fait, ou bien non, elle commence pas à foutre le bordel. Non, prends la colonne de gauche et commence pas à faire le malin. Je demande. Arrête. Attention, Laura, du coup c'est toi qui va commencer avec Fab. Est-ce que tu te sens prête? Ouais. Et ben allez hop, c'est t'inquiète parti pas, ça va, 30 aller, secondes. Alors on écrit avec, on met de l'encre. Un stylo. Bien. Tu as un document dans ton ordinateur, tu veux le sortir, tu as besoin d'un appareil pour faire ça. Une imprimante. Bien. Oh là. On écrit avec, mais il n'y a pas d'encre. Un ordinateur. Non, si, non, tu écris avec. Mais il n'y a pas de carton d'encre. Vite. C'est des rasoirs aussi. Passe. Jetables. Vite. Il n'y a pas de passe. C'est des rasoirs jetables et tu peux écrire avec. Mais t'énerve pas. Tu vas répondre, Laura, je te parle. Mais je ne sais pas. Trois lettres. Oh non. Putain! Non, mais ça, non! Ah! T'as perdu! Tu m'énerves! Du coup, et arrête, c'est un jeu, ça va. Non, moi j'aime pas, je suis un très mauvais perdant. Oui, mais calme-toi. Du coup, ça fait en tout et pour tout 2 points pour l'équipe de Fab. Hein. Bravo! Et de Laura. Oui, mais c'est Sandro en face, donc il peut faire pire. Attention, les gars. Au final, je suis content de ne pas avoir pris Laura. Ouais. Attends, fais-moi le malin, on verra si t'es bon. Jonathan. Ah, y a que deux mots. Ouais, c'est pas gagné. Non, mais si, t'inquiète, il faut y croire, c'est ça le plus merci important. Merci, Jonathan. Bon, Jonathan, on va y aller. Est-ce que tu te sens prêt? Oui. Oui. Eh bien, c'est parti. On y va. T'es prêt? Alors, on écrit avec quoi? Avec un stylo. On apprend ça souvent pour la Saint-Valentin. Yes, il l'a dit. Bic. C'est bon. On en prend souvent pour la Saint-Valentin. Des fleurs, des roses. C'est bon, c'était fleurs. Les Belges adorent ça. À manger. Des frites. Yes. On boit ça avec du café. Du sucre. Non, on met dedans. Du lait. Non, on le met dedans. Le café, on le met dans le. Dans la. Dans la cafetière. C'était la tasse, ouais. Jonathan, ça te fait, eh ben, 3 points. Il nique d'un point, quoi. Bim. Bim. Merci. Je tiens à remercier ma famille, mes amis, tous mes proches de m'avoir soutenu. Et merci, Jonathan, au final. Eh ben, Jonathan, je peux dire que voilà, c'est votre équipe qui a gagné la manche. Ça fait donc 1 point. Pour Sandro, 1 point pour Fab jusqu'ici. Hein. Je veux rejouer, on peut rejouer. Non, mais on fera ça demain. Je veux rejouer. Du coup, Jonathan, tu raccroches pas, on va te filer ton pack fun, d'accord? Je te fais des gros bisous. C'est gentil, merci. Gros bisous. bisous Laura aussi, hein, merci d'avoir joué. Merci. Et maintenant tu retournes bosser, faut pas déconner. Non. Ouais, et sois meilleur la prochaine fois. Mais enfin. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Mais l'Happy Hour est en vacances en ce moment et on prend la relève, c'est que du fun du lundi au vendredi, 17h-20h et pendant tout l'été. Avec moi, il y a Kaufman, il y a également Laurent, ça va? Bonsoir. Ah bonsoir, vous êtes là, excusez-moi, bonjour. Bah, y a peut-être... Ouais, attends. Tire la main, hein. Non mais d'abord tu vas te calmer, il y a peut-être des gens qui nous rejoignent là, c'est tranquillement, vrai. À l'instant, qui vont passer à l'apéro et qui se disent tiens, on va se mettre c'est que du fun sur Fun Radio. C'est vrai. Est-ce qu'on a encore des cadeaux, Kaufman? On a toujours des cadeaux. Merci. Sur Fun Radio. Et on a quoi? Et on a des packs de goodies collector. Et avant 20h, si on a le temps, ça dépendra, hein, parce que bon, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il y aura peut-être un jeu PlayStation 4 à gagner. Et si c'est pas aujourd'hui, croyez bien que ça sera demain. Oui, ça c'est sûr. Et pour vous inscrire, c'est très simple. Vous envoyez jeu au 3044. Envoyez jeu au 3044. On a encore le jeu du Blackjack à suivre. On aura notre invité Alex Germis qui sera avec nous pour un live. Et il y aura une nouvelle séquence. Et on vous l'explique tout de suite, la nouvelle séquence. Bouge pas, Laurent, c'est toi qui vas t'en occuper aujourd'hui. Ouais. Ça arrive juste après Ariana Grande sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 20h. So into you, I can barely breathe. And all I wanna do is to fall in deep. But close ain't close enough till we cross the line. Yeah. So name my game to play. The La fin de soirée, ça se passe avec Calvin Harris et Rihanna. C'est que du fun jusqu'à 20h et on a une nouvelle séquence à vous proposer. Mais avant, Kaufman a levé la main. Et quand Kaufman lève la main, on lui donne la parole. Moi, ce qui me fait peur, c'est que tu viens de dire que c'est la fin de soirée qui s'annonce. Hein. Ça, c'était vu avant l'âge. Bah non, c'est la fin de soirée, quoi. 19h, voilà, enfin tranquille, quoi. La fin de soirée. Ouais, fin d'après-midi. Allez, tu préfères la fin d'après-midi. On va te conduire dans un home parce que pour toi, c'est que du fun. C'est vrai. On a une nouvelle chronique qui va arriver dans quelques minutes. Laurence, explique-nous le principe de la chronique. Bah, dans la chronique, en fait, je me pose un peu la question que tout le monde se pose, mais on cherche pas forcément la réponse. Et donc aujourd'hui, je me suis demandé pourquoi on baille. Ah ouais, t'as une bonne question. Parce qu'on est fatigué, tout simplement. C'est vrai que j'allais dire pareil. Je veux dire, on est fatigué, ouais, c'est mais pour pas ça. Que, il y a une autre explication plutôt logique en fait. Il y a une vraie explication à cela. Et ben, on en parle dans quelques instants, mais avant, il est 18h59 et Carlo, il n'attend pas, non, c'est les infos. Fun Radio. Fun. En juillet chez Ego, profitez d'un crédit 0% sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Bientôt 19h, les infos sont avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. Daesh vient de diffuser un nouveau message vidéo qui désigne explicitement le Premier ministre Charles Michel comme responsable des attentats du 22 mars, ce qui est un petit peu gonflé de la part de nos barbares et ce qui ne touche vraiment pas le chef du gouvernement qui a déclaré qu'il ne se laisserait pas intimider par les menaces de l'État islamique. Dans un premier message de propagande, en effet, Charles Michel avait reçu de telles menaces faisant du coup l'objet de protections particulières. Au Venezuela, 500 femmes environ ont franchi de force la frontière avec la Colombie, fermée depuis près d'un an, histoire d'acheter des vivres qui manquent dans leur pays, confrontés à de graves pénuries. Il faut savoir que le Venezuela tire l'essentiel de ses revenus du pétrole, que le pétrole ne rapporte plus grand-chose depuis un bon moment, et que 80% des produits de première nécessité comme le riz, le sucre ou le papier hygiénique sont quasi introuvables. Une situation qui s'est aggravée en août dernier avec la fermeture de la frontière avec la Colombie, frontière où se multiplient des activités d'un genre louche, un style trafic de drogue ou agissement de guérilleros, qui n'a donc pas empêché des centaines de femmes de la forcer cette frontière, c'est vous dire le niveau de la crise au Venezuela. Pour ce qui est de la crise des migrants, il y a moins de réfugiés qui débarquent en Grèce en provenance de Turquie, c'est vrai, mais ceux qui tentent de gagner l'Italie à partir des côtes libyennes sont de plus en plus nombreux. Plus de 70 000 personnes sont arrivées en Italie depuis le début de l'année, donc en 6 mois, soit un nombre équivalent à celui des deux années précédentes. Le calcul est vite fait, ça fait 4 fois plus. Hier encore, pas moins de 4 500 migrants ont dû être secourus en Méditerranée au cours d'une trentaine d'opérations diverses, une journée presque comme les autres. Les Jeux Olympiques de Rio débutent dans un mois, moins un jour, très exactement, même que forcément, il sera question, comme ailleurs, des risques liés au terrorisme. Mais le ministre brésilien de la Justice estime que si ces risques existent effectivement, c'est parce qu'ils existent aujourd'hui partout dans le monde, mais pas plus au Brésil qu'ailleurs. Et en tout cas, dit-il, un attentat à Rio n'est pas une probabilité. Les agences internationales de sécurité ou de renseignement se veulent plutôt rassurantes. On termine avec des nouvelles rassurantes du bébé panda qui a vu le jour à Paris d'Aïssa il y a un peu plus d'un mois maintenant. Il n'est toujours pas sorti d'affaire, vu que c'est après 3 mois, paraît-il, qu'on peut affirmer s'il vivra. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il paraît qu'il ressemble de plus en plus à un panda, ce qui est moins surprenant que s'il se mettait à ressembler à un alligator, évidemment. Mais il est vrai qu'à la naissance, il avait tout de la crevette. Hein. Aujourd'hui, Baby P pèse 1,4 kg, c'est toujours pas grand-chose, mais c'est quand même 10 fois le poids qu'il faisait à la naissance. Fun. Fun Radio. Si vous venez de vous pencher sur Fun Radio, bienvenue, c'est que du fun. Vous pouvez vous inscrire pour emporter des jeux vidéo et des cadeaux Fun Radio, tout simplement en envoyant jeu au 3044. Mais avant, on va savoir quel temps il fait demain, Carlo. Une belle journée estivale au programme de demain, 23-24 degrés et du soleil à profusion. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi et vous laisse en compagnie de David et du son de Calvin Harris et Rihanna. Salut. Fun. Fun Radio. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Fun Radio. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Posé et au calme sur Fun Radio. C'est que du fun entre 17h et 20h. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. watching her, but she's looking at you. Ça sera Chris Cab avec Badabing. Mais maintenant, on va jouer au jeu du blackjack. Kaufman, tu connais les règles du blackjack? Ah oui, moi j'adore. Il faut faire sauter la banque. Et comme la banque c'est toi, il faut te faire sauter en fait. C'est sympa ça, merci. Non. Il y a Joachim qui est avec nous pour jouer. Non. Salut Joachim, ça va? Salut. Ça va bien? Oui, ça va et toi? T'as 14 ans et tu viens de Verviers. Est-ce que tu es prêt pour jouer au jeu du blackjack? Mais non, il est pas majeur pour jouer au blackjack. Oui, c'est vrai, mais si, on peut jouer. Même quand on a 14 ans, on peut jouer au blackjack. C'est d'accord. Ça qui est fou. Je vais dévoiler des cartes une par une. Pour dévoiler une carte, tu as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu as gagné, Joachim. Ça va? Ok, ça va. Allez, première carte. Je te dévoile une première carte. C'est un 6. Donc, ah, forcément encore. Bah oui, forcément encore. C'est Joachim. Pas mal le 6 pour ouais. Commencer. Deuxième carte. Ouh, un 10. Ça fait 16. On est direct à 16 là, Joachim. Hein. Bah, encore. Bah, oui, encore. C'est sûrement la dernière carte, Joachim. Oui. Ah, ouais. Je la regarde, attends. Il a tout fait tomber en même temps. Ouais. J'ai vu la carte. Oui. Entre 18 et 21, là, t'as un score de 16, Joachim. T'es prêt pour que je dévoile? Oui. Et oui, la carte est un 2. Qui non. Fait 18, ce qui fait c'est gagné, Joachim. Bravo, Joachim, bien t'as joué, gagné. Bien joué, ouais. Bravo, Jojo. T'as une petite amie, Jojo? Non. Bah ok, bah ça tombe bien, tu dois rien vérifier. Tu as gagné un pack fun avec des goodies, Fun Radio et Smart Toys. Bien évidemment, on va t'offrir. Tu aimes bien les jeux vidéo? Oui, j'aime bien. Ah ben, on va t'offrir un pack de goodies Doom. Voilà, c'est cadeau, c'est pour nous et c'est que du fun. Ah, c'est gentil ça. Merci Joachim, en tout cas, d'être passé à l'antenne. Ah, merci à vous. Bisous, bisous, bonne soirée. Salut. Bisous. Ouais, salut. Bye bye. Salut. Le pourquoi du comment, c'est une nouvelle chronique que Laurence va nous faire. Et quelle est la question du jour, Laurence? Pourquoi on baille? Pourquoi on baille? Bonne question, ça. Je ne sais pas, moi. Tu nous dis tout? Dans moins de 3 minutes, ça va? Très prête. C'est parfait. Allez, avant, c'est Chris Cab et Youssoupha avec Badabing sur Fun Radio. C'est que du fun jusqu'à 20h. International et la connexion. Chris Cab, Youssoupha est dans la maison. De pas, vive Badabing, non? Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. After six shots of De Leon. You know that girl really turned me on. Faire fort, finir friqué, entouré de briques et l'amour est fabriqué. Je brise en bling bling grâce au public et c'est briqué. J'ai gardé la vista, ma vie est un fist. Équilibre entre l'enfer et le paradis fisc. J'ai pris trop de risques, courir pour le Christ. Pas de message codé, je finis aux côtés de Christ. We were on the floor and so much more kept moving that way. On note la police qui est constat, ghetto star, nécropolitain avec un bête de star. Let's go back to mine for a smoke and wine. Et même Oli est dans la place. Ouais, mais toi t'es viré par contre. Allez, Imani, à suivre. Et dans quelques secondes, on va accueillir notre invité. C'est Alex Germis. Pour ceux qui ne connaissent pas Alex Germis, c'est ça. C'est aussi ça. Et Il sera avec nous dans quelques secondes, mais avant, on va faire le pourquoi du comment avec Laurence. Laurence, c'est quoi la question du jour? La question du jour, c'est pourquoi on baille? Pourquoi on baille? Bonne question. Hein. T'as une réponse ou pas? Mais moi, j'ai une réponse. Ah. Parce que vous avez la réponse. Moi, j'ai pas de réponse. Kaufman, t'as une réponse? Moi non plus, mais je sais que par contre, bailler, c'est très contagieux. Ah ouais. Quand on commence à bailler, bah, je peux faire bailler n'importe qui. Non, c'est vrai? Ah oui, oui. Ouais, attends, essaye. Bah là, j'ai pas envie de bailler, mais... Ah, ça ne fonctionne pas. Bah donc justement, les scientifiques cherchent encore hein, la cause du bâillement, mais il semblerait que ce serait pour refroidir notre cerveau en fait. Donc par le simple fait de bâiller, on inspire de l'air et ça rentre dans notre cerveau et donc il est aéré. Et en fait, le cerveau c'est un peu comme un ordi et s'il surchauffe, bah, on va bâiller pour évacuer tout ça et pour qu'il fonctionne un peu mieux. Et donc comme le disait Kaufman, il y a un effet de contagion en fait au bâillement et c'est tout simplement un effet d'empathie. D'empathie. Ouais, ça veut dire que tu compatis ouais. En fait. Ouais, c'est ça en fait. Non. Si et on baille plus facilement avec le bâillement de nos proches qu'avec ceux d'un inconnu par exemple. Ah oui, c'est vrai, j'ai souvent remarqué ça, ouais. En résumé, bailler c'est comme l'air conditionné pour le cerveau quoi. Exactement. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu un ventilo en fait. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Allez, dans moins de 5 minutes, on va accueillir Alex Germis, le DJ belge, il est très jeune en plus, très talentueux, on va l'accueillir dans quelques instants, c'est juste après Imani avec Don't Be So Shy sur Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, nous vous livrons le gros électroménager et reprenons votre ancien appareil, le tout gratuitement. Conditions sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Par Toutatix, participe à l'action collector Astérix aux Jeux Olympiques. Reçois les pochettes avec les cartes des personnages de la BD par tranche d'achat de 20€ ou à l'achat de produits participants dans les supermarchés Match & Smash et dans les hypermarchés Cora. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. Now

neige était sexy. Ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe, but keep it low key. I said, don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Yeah, blown off the meter. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my avec nous, c'est Alex Germi. Salut Alex. Salut, salut. Ça va bien? Super, et vous? Ouais, tranquille, tranquillement. Ça va, Kaufman autour oui, de la table? Toujours, moins bien. Ah, il est réveillé, c'est bon. Laurent, ça va aussi? Très bien. Ouais. Alex Germi, DJ belge, très jeune DJ belge, 22 ans. T'as 22 ans? Non, en fait, j'en ai 23. J'ai oublié de changer ma bio sur internet. Putain, je me suis fait avoir. J'ai cru que t'avais le même âge que moi. Et non, non mais c'est bien, tu m'y fais penser. C'est... Donc, tu changes, ok? Ok, ouais, je vais changer. Comment tu fais pour être un DJ aussi connu à ton âge? Aussi connu, enfin il faut. Ouais, reconnu. Faut relativiser aussi. Ouais. Oh, t'es quand même assez est-ce connu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un DJ? Est-ce que t'es pas plutôt producteur? Bah, moi j'aime beaucoup être en studio et faire des chansons, etc. Les mais deux, bon, ouais. Après, maintenant je me suis mis un peu au DJing et ça me plaît aussi, quoi. Et Laurent, t'avais une question à propos de ça, à propos ouais. des DJ. Ouais, c'est ça, en fait. Je me demandais la différence entre un DJ comme toi, producteur et tout, et un mm-hmm. DJ qui passe juste des sons dans les boîtes. Pourquoi on les appelle tous les deux DJ alors qu'au final. Toi, tu fais peut-être plus que les autres. Ouais, mais en fait, le fait de faire le DJ, c'est le fait de passer des sons. Ouais. Et le fait de faire producteur, c'est le fait de les créer, je crois. Donc, en fait, on ne ment pas en disant que les DJ sont DJ, puisque. Ok. Ils passent des sons. Est-ce que t'as des modèles en tant que DJ ou producteur? En tant que producteur. C'est qui? Bah, moi, j'aime beaucoup Mike Posner. Ok, ouais. Il était très connu en tant que producteur avant, et maintenant, qui est connu en tant que chanteur avec son hit. I took a pill in Ibiza. Je fais très bien aussi ouais, celui-là. Toujours en anglais, hein, ça qui est fou. Pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans la production ou dans mm-hmm. le DJ, on va dire, tu as des conseils à donner? Bah, il faut pas baisser les bras trop vite parce que c'est clair qu'on n'arrive pas à faire des trucs incroyables du début. Hein. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps et je pense que c'est le meilleur des conseils, c'est de persévérer et d'apprendre tout le temps. T'as commencé à 16 ans, non? T'as voilà, rencontré pas mal de monde. Voilà, j'ai commencé à 16 ans. Et t'as rencontré, si je me trompe pas, le producteur de Stromae. T'as aussi enchaîné avec des DJ. Tu connais bien DJ Makassi. Ouais, le Binôme aussi, tu connais. Ouais. Ah. J'ai produit leur premier single, Viens voir, à l'époque. Ouais. Enfin, qu'ils avaient déjà composé. J'ai aidé pour les arrangements et je les ai un peu guidés. Avec beaucoup de plaisir. J'imagine voilà. que ces rencontres, ça t'a enrichi et ça t'a oui, permis. Oui, c'est clair. De, et puis ça me permet de toucher à plein de styles de musique différents. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Je peux faire un truc très Frenchy, bon enfant. Et puis un truc un peu plus à l'anglaise, plus subtil, peut-être moins commercial. Et c'est ça qui me plaît, c'est de toucher un peu à tout. Ok. Et c'est quoi tes projets maintenant? Bah écoute, maintenant je bosse beaucoup sur l'album de Loïc Noté. Ouais. Duquel j'ai produit quelques morceaux. Et sinon, bah évidemment, les prochains morceaux pour moi. Et je lance aussi un nouvel artiste qui s'appelle Sloan, qui est un chanteur qui chante en français, qui a un single qui s'appelle Après le Bip. Ok, c'est un Belge? Ouais, c'est un Belge. Il d'accord. Il a fait The Voice il y a deux ans. The Voice Belgique? Ouais, il est okay. en finale. Et un album pour toi à venir? Bah pas encore, j'attends un peu de voir le retour du public, de voir l'attente, etc. J'ai pas envie de me lancer dans un gros projet si jamais il y a peut-être rien qui se passe derrière. Je préfère rester calme et voir un peu les attentes du public, quoi. Bah t'as raison, moi. Bah pas trop vite. T'es jeune encore, t'as le temps. Oh, c'est lui qui parle. Pourquoi? Bah t'as 19 ans toi. C'est vrai, c'est vrai. Allez Alex, on va s'écouter ton titre, Sweet Afterglow, c'est tout ça? Tout à fait. Hein, on le dit bien, je le tiens. Magnifique. Ouais. Allez, c'est parti sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 20h. So far away. 'Cause I won't bother, keep on living, Et il est notre invité jusqu'à 20h. C'est Alex Germis avec son titre Sweet Afterglow. Et on a encore des questions à te poser, Alex. Eh oui, t'es pas fini encore avec les questions. Après, tu vas aller pouvoir mixer pendant une quinzaine de minutes pour nous, pour notre grand plaisir. Merci d'être là déjà, Alex. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Et Kaufman avait encore une question à te poser, Kaufman. Ah, Laurence aussi, honneur aux dames. Allez, Laurence. Ah, c'est gentil. Bah, en fait, Alex, donc t'as commencé à 16 ans, c'est ça? Ouais. Et comment ça se passe avec l'école du coup? En fait, j'ai continué l'école comme si de rien n'était. J'ai terminé mes études en janvier cette année-ci. Donc j'ai fait. Ouais. Ouais, j'ai fait ingénieur de gestion après. Ah ouais, quand même. Donc voilà. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait un peu moins de musique quand même pendant mes études et je m'y suis remis quand j'avais un peu plus de temps. Et c'est important d'avoir un diplôme dans ce milieu-là? Peut-être pas dans le milieu, mais pour moi c'était important au cas où ça fonctionnait pas, me dire que j'avais quand même un backup. Wow. Ok, ouais, c'est génial. Parce que Laurence, elle pensait que tu savais ni lire ni écrire. Fallait pas le dire. Allez, une question, Kaufman. Ouais, comme tu occupes un peu le devant de la scène, mais aussi tu produis, c'est quoi ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères être sur le devant de la scène ou plutôt derrière en train de Ben moi, je suis un peu intimide, alors j'aime bien être en studio tranquille, à l'abri des regards. T'es un faux timide, t'as pas tourné dans ton clip? J'ai tourné dans mon clip, mais c'était parce que c'était plus une obligation logistique. Pourquoi? C'était plus facile que je tourne dedans que de trouver un acteur, de faire un casting. Et... C'est comme sur Fun Radio, c'est une question de moyens. Et t'as aimé ça ou pas? Ouais, franchement, c'était assez drôle. Le tournage était vraiment marrant et voilà, c'était un truc à vivre. Ok. Tu comptes le refaire pour les prochains? Oui, ça dépend du scénario. Faut pas faire des choses. Pas trop volé quoi. Voilà, voilà. Très bien, t'es prêt pour aller mixer pendant une quinzaine de minutes avec nous? Je suis super prêt. Super. Ok, t'es chaud, chaud patate. Chaud. C'est parti, moi je suis chaud, on y va. Allez, juste parti. Après ça, Alex. Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, il y a plein de chouettes sons qui font vendre. Il y a des sons drôles, il y a aussi des sons bizarres. Le son de la douche, par exemple. C'est le même que celui de la friteuse. Ricardelle avec. Et de la foule qui applaudit. Bravo! Dans la publicité radio, quand c'est l'hiver et qu'il neige, ça fait ça. Ça fait vendre, hein, ça. Alors qu'en réalité, la neige qui tombe, ça fait ça. Et puis, les sons en publicité, c'est jamais vulgaire. Ça, par exemple, on n'entendra jamais en publicité. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Hello party people, nous c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais. Mais tout est là, hein. On a recréé les scènes, le camping, l'espace VIP. Hey, on a même l'hélicoptère qui lance des confettis. Regardez. Hey, prends l'hélicoptère. Ouais. Les confettis! Ouais! Pas dans la bouche, Tom! Ah, pardon. Tu préfères le vrai? Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto surprise. The best radio. My station. Fun radio. Oh, yeah, yeah. Started out being friends. I had my girl. You had him, would've known where it'd end. Cause I'm holding you back in the middle of the night, but we just ended up making. We both waited, weathered the storm. Could've cheated, but knew that'd be wrong. Even though we came close, had to get you out of my mind, I'm gonna do a time if I slip through the middle of crime. More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture, this right here is called real love. And nothing really matters, as long as there's you and me, there's us. I'm letting you go, no. I found nothing like this, like this. Life is simple, cause girl, you're the truth. All alone, I was here for you. When until the time was right, give me the dream, let us show you girl, what you've been missing. More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture, this right here is called real love. And nothing really matters, as long as there's you and me, there's us. And I am letting you go. I found nothing like this, like this. Time, cause nothing can compare to when I'm with you. Oh baby, yeah. Life can be so unpredictable sometimes. Gotta be ready to read between the lines too. You feel me? More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture. This right here is called real love. And nothing really matters as long as there's you and me. There's a et 20h, profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. Et vous allez pouvoir profiter d'Alex Germis, il est en direct avec nous, il va pouvoir aller mixer. Est-ce que t'es prêt Alex? C'est bon, on est ok? On peut lancer, vas-y, lance-moi tout, c'est parti. Allez, Alex Germis en direct jusqu'à 20h. California dreams, looked up through the bright lights, no stars that I see. You said it's all yours if you take it there. I said I can't do it alone, I swear. You said it's all yours when you smile. It's only you, you, who loves me like you do, do. Trying to keep it cool, but I can't keep cool. c'est sur Fun Radio que ça se passe. Le son Dance Floor. mama cool, mama sa, mama mama cool sa, mama cool, mama sa, mama mama cool sa, mama cool, mama sa, mama mama cool sa. Money. Fun Radio que ça se passe. This is fun. Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Alex Jermis était au platine. Merci Alex. Bravo. Super. Bravo. Merci. Quel talent c'est Alex Jermis quand même. Magnifique son. Merci d'être passé dans l'émission Alex. Tu merci de m'avoir invité. Mais de rien, avec grand plaisir. Et ton dernier single, c'est Sweet Afterglow. Exactement. C'est bon, on est bon. On est bon. Merci d'être passé. Il est 19h58. Nous on revient demain dès 17h, entre 17h et 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. Et maintenant je vous laisse avec Party Fun. Ciao ciao ciao. Ciao. Bye bye. I got this feeling. This is what you came for. Inside my bones. It was a crash. Bang my head against the wall. All through my city. And everybody's watching her. But she's looking at you.